On accueille deux générations de rédacteurs en chef de La Rotonde, le journal étudiant francophone et maintenant indépendant de l'Université d'Ottawa. Une discussion sur la place du journalisme étudiant dans la communauté et sur l'engagement étudiant francophone à l'Université d'Ottawa avec l'actuel rédacteur en chef de La Rotonde, Mathieu Goyer, en compagnie d'un prédécesseur de longue date, Gaétan-Philippe Beaulière, aujourd'hui commissaire à l'externe pour l'Association des étudiants diplômés de l'Université d'Ottawa. Bonjour les gars. Salut. Bonjour. Je me permettrai de vous tutoyer parce que je vous connais personnellement. J'ai, <C'est bon. rire> j'ai moi-même évolué dans le clan de La Rotonde, dans le milieu médiatique à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Mathieu, Gaétan, est-ce que c'est une première rencontre, les deux? Pas ou... peut-être en onde, là, mais... En onde, oui, mais non, on s'est déjà rencontré oui, à quelques reprises. Bon, Mathieu Goyer, la première édition 2009-2010 de La Rotonde est sortie lundi dernier. Oui. La prochaine, et j'imagine, également sur les rails. Oui, c'est presque prêt. On est encore en tête de production en ce moment. La Rotonde se relève d'une année assez difficile. La première année, ou la deuxième année de sa totale indépendance de la Fédération étudiante. J'aime dire qu'elle se dépoussière les épaules un peu. Les prochains mois se présentent comment pour toi? Ça lance bien. Je pense que la première année était beaucoup une année d'apprentissage pour La Rotonde, pour la gestion surtout. Je pense que c'est le gros défi, c'était pas de produire puis d'écrire un journal, mais c'est surtout de le gérer puis de faire fonctionner tout ça là, par nos propres moyens. Pour cette année, on a beaucoup appris du passé. On a une excellente directrice générale, Karine Bouchard, qui nous a beaucoup aidé là, dans ce processus d'indépendance-là puis de gestion avec La Rotonde. L'année qui a déjà commencé s'annonce, ma foi, très bien. Je pense que l'équipe est solide. Non, j'ai très confiance en l'avenir. Gaétan, il y a 3 ans, vous terminiez votre... Il y a 3 ans, je pense, hein, c'est ça? Oui. Il y a 3 ans, vous terminiez votre deuxième année ou votre troisième année à titre de rédacteur en chef de La Rotonde. L'indépendance était un projet sur lequel vous travailliez déjà à ce moment-là. Aujourd'hui, La Rotonde est indépendante de la Fédération étudiante. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est une évolution positive pour le journal? Je crois qu'il n'y a aucun doute que c'est une évolution positive pour le journal. Je crois que c'est dans la nature même de la presse d'être indépendante. C'est une tendance dans la plupart des journaux, du moins. On comprend. C'est-à-dire que naturellement, pour pouvoir bien jouer son rôle, un média doit être indépendant. Mm-hmm. Puis dans le milieu étudiant, la structure, de toute façon, les choses sont faites. Souvent, ce n'est pas le cas. Puis effectivement, c'est une tendance là, qui est assez importante qu'on voit se dessiner, c'est-à-dire que les médias étudiants ont tendance à devenir autonomes. Puis oui, je crois que c'est une... en tant qu'ancien donc journaliste à La Rotonde qui a dû subir toutes qui a dû vivre toute la situation délicate d'être, de devoir surveiller son employeur et critiquer son employeur. Je crois qu'il n'y a aucun doute là, que c'est très bon pour La Rotonde. Bon pour La Rotonde, mais c'est surtout bon pour le lectorat. Je pense que ceux qu'on sert le plus dans ce processus d'indépendance-là sont les étudiants qui lisent La Rotonde, qui sont en mesure de lire un produit qui est de meilleure qualité, tout simplement. Est-ce que ça change la façon de faire du journalisme sur le campus? Non, ça ne devrait pas. Je pense que indépendant ou non, on fait du journalisme en ayant comme seul objectif de rendre les faits comme ils sont au lectorat. Puis l'indépendance fait juste améliorer puis encourager ça. Je pense que l'indépendance facilite surtout... Je crois pas qu'il y ait une différence très grande pour le lectorat, en fait. Parce que je pense que le lectorat... Je pense que même quand La Rotonde n'était pas indépendante, les journalistes parvenaient à faire leur travail quand même. La différence, c'est pour... Et surtout pour le rédacteur en chef, qui, lui, a pas à recevoir d'appel ou de la FEO, je sais pas. Donc, ça change beaucoup la relation qu'on a avec les gens de la génération. Et la contrepartie de ça, ça a été... Bon, La Rotonde a dû doter de son propre conseil d'administration, déménager carrément. D'ailleurs, il y a pas 2 semaines, le Radio-Canada faisait un reportage sur les conditions relativement précaires de travail. Oh, c'est plus que relativement précaire. Dans le nouvel édifice de La Rotonde, est-ce qu'il y a eu des suites à ce reportage-là? Est-ce qu'il y a eu des retombées positives? Jusqu'à maintenant, non. On nous a dit côté administration que d'ici à maintenant, on allait tenter de résorber la situation. Ça fait déjà, 2 ans que La Rotonde est au 109 Osgood. Ça devait être à la base une mesure temporaire. 2 ans plus tard, on est toujours là. Je m'attends pas à grand-chose du côté de l'administration là, pour que ça bouge dans les prochains mois, si je peux dire. Est-ce qu'elle a la place qui lui revient actuellement à la Rotonde? Parce que malgré tout, ça reste une institution assez là, importante dans la communauté élargie de l'Université d'Ottawa. Depuis 1932, c'est un journal qui est publié bon, généralement de façon hebdomadaire, si on regarde le passé. Est-ce que la Rotonde a présentement la place qui lui revient sur le campus? Je pense que le plus grand défi de la Rotonde en ce moment, c'est de se faire connaître et d'être identifiable par les étudiants. Les gens de la Fédération nous lisent, l'univers politique du campus connaît bien la Rotonde. Ça, c'est bien, mais je pense que il faut aller chercher les étudiants. Particulièrement les étudiants francophones, parce qu'on est le seul média francophone unilingue du campus. J'ai toujours vu la Rotonde comme un peu une espèce de vecteur de la communauté francophone. Je pense que la Rotonde peut toujours prendre plus de place, peut toujours être plus impliquée auprès des francophones du campus. Là. Je pense que, pour revenir sur cette histoire d'espace, je crois qu'il est temps que l'université mette ses culottes et qu'elle laisse la place à la Rotonde, au centre universitaire. Mais pas juste à la Rotonde, mais aux autres services étudiants aussi. Je crois que la gestion du centre universitaire au cours des dernières années, a été au mieux... imparfaite et qu'il faudrait se rappeler que le centre universitaire est financé par les étudiants à travers des cotisations et que ça devrait donc être eux qui devraient avoir la priorité. À raison d'un haut pourcentage aussi, il faut le souligner. Exactement. Oui, c'est notre centre universitaire, on paye pour ça, il n'y a pas accès. Je veux dire, juste en termes de gestion de la Rotonde, c'est difficile de parfois faire des décisions complètes et de grande qualité quand les bénévoles et les étudiants ne savent même pas où sont nos locaux. Quand on n'est même pas sur le campus même, il faut traverser King Edward pour pouvoir avoir accès aux institutions de la Rotonde. Je pense que c'est absurde. Là. Je veux dire, si on veut aller chercher la population étudiante, qu'on soit loin comme ça, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que, bon, conjugué à cette condition-là, le fait qu'on évolue présentement dans un contexte où la presse est confrontée au défi, à l'écueil d'Internet, si je puis dire, et dans le cas de la Rotonde, à la minorisation constante ou à la diminution constante de la proportion de francophones sur le campus, est-ce que ces facteurs-là ajoutent au défi de production de la Rotonde aujourd'hui? Est-ce que le mandat se transforme? Est-ce que la cause à épouser est différente? Je pense que le mandat reste le même. On est là pour servir la population, on est là pour informer les gens, puis on est là aussi pour prendre position là, sur les questions francophones du campus. Je pense que l'ajout de nouveaux médias, Internet notamment, fait juste changer les façons dont on le fait. Internet amène beaucoup de vitesse, amène beaucoup de rapidité, l'information est disponible dans l'immédiat. Ça change notre relation avec le traitement de la nouvelle, mais le travail journalistique lui-même, je pense, reste le même. Et comme en fait, j'écrivais dans mon éditorial, je disais que Internet me permettait de diffuser rapidement la nouvelle, de servir rapidement les étudiants, mais que la version papier permettait d'aller plus en profondeur, d'analyser, de fouiller un peu plus. Ce qui fait que les deux supports, je peux dire, agissent en complémentarité. Est-ce que sur un horizon de, je sais pas moi, 20 ans, on peut penser que les journaux étudiants auront leur plateforme sur le web et non plus dans une version papier? Est-ce que c'est quelque chose qui risque de se perdre dans un avenir aussi rapproché que dans les médias plus mainstream ou la presse quotidienne? Moi, je pense pas. C'est-à-dire, c'est un grand débat là, qui doit y se faire... qui doit occuper beaucoup de journées des professeurs au département de communication ici, mais je pense que... moi, je pense pas. C'est-à-dire qu'on regarde même des médias qui sont lancés en ligne avec un certain succès. Puis je pense à Politico.com, là, qui couvre l'actualité politique à Washington. C'est un journal en ligne qui est imprimé une fois par jour quand même pour être distribué en version papier. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Je crois que... je pense que le rapport de complémentarité va toujours être là. Je pense qu'il va toujours avoir une version papier de la Rotonde qui va pouvoir être distribuée dans les kits de la semaine 101, par exemple. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que la réalité étudiante fait que les étudiants ne savent pas nécessairement c'est quoi la Rotonde en arrivant sur le campus. Les nouveaux étudiants, quand ils débarquent durant la semaine 101, s'ils ne voient pas les kiosques de la Rotonde, s'ils ne voient pas une version physique et tangible du journal, ils ne sauront pas que ça existe. Et puis c'est là l'avantage du papier, on se fait connaître, c'est vraiment une fenêtre, c'est une publicité vraiment qu'on se donne en étant présent sur le campus. Donc non, je pense pas que la version papier disparaîtra d'ici quelques années. On peut constater tout de même qu'au cours des derniers 3 ans, il s'est opéré un recentrement dans la couverture de la Rotonde, dans l'angle de couverture de la Rotonde. Le journal a réorienté son focus sur le campus et les enjeux communautaires. Mm-hmm. Gaétan a incarné une certaine vision de la Rotonde qui était celle, je pense, d'offrir une couverture beaucoup plus large, qui n'hésitait pas à traiter d'enjeux nationaux et internationaux avec des enjeux locaux. Mathieu, bon, d'après la dernière édition, tu te maintiens dans la lignée peut-être des deux dernières années. Je ne sais pas à quel point cette lecture des faits-là est juste, mais ma question ici serait, quel rôle est-ce que vous croyez qu'un journal étudiant doit prendre sur un campus et dans sa communauté? Ben, tout d'abord, c'est juste... Dis-je alors que vous regardiez les yeux. Moi, quand je compare la Rotonde à d'autres médias, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on apporte que les autres médias font pas? Qu'est-ce que le droit fait pas? Qu'est-ce que la loi Célésine fait pas? Qu'est-ce que la presse fait pas? Et ce qu'ils font pas, eux autres, c'est traiter l'actualité du campus. Je pense qu'en nous spécialisant dans la politique étudiante, puis dans le cadre plus large de la vie étudiante, je pense que c'est vraiment là qu'on remplit notre rôle puis qu'on trouve un créneau qui nous est propre. Je pense qu'en se concentrant plus sur les enjeux étudiants, on sert mieux la population étudiante parce que qu'on écrive sur la guerre en Afghanistan, qu'on écrive sur de grands débats de société, le lecteur peut déjà le lire ailleurs. Le lecteur a déjà accès à ce genre d'informations-là, a déjà accès à ce genre de propos-là. Puis nous, on offre un truc différent. C'est sûr que si on peut faire un lien, par exemple, entre un enjeu national ou international et la vie du campus, on va le faire, c'est clair. Mais tant qu'il n'y a pas un lien direct avec ce qui se passe sur le campus, avec les étudiants, avec la GSAD, avec la FIO, peu importe, je ne crois pas qu'on ait à le traiter. Mais ma question dans ce cas-là s'adresse maintenant à Gaétan. Est-ce que cette vision-là du journal qui est plus resserré autour de sa communauté, est-ce que ça ne serait pas un symptôme de la presse contemporaine qui doit, pour justement arriver à traverser l'écueil du web, se spécialiser coûte que coûte ou devenir un média alternatif qui se spécialise dans un créneau en particulier? Oui, peut-être. Je crois que ça... En fait, je pense que ça relève plutôt de politique éditoriale, c'est-à-dire que ça fluctue d'une année à l'autre. À la Rotonde, certainement, si on jette un coup d'œil aux archives de la Rotonde, on voit que ça change. Là, il y a des vagues. Puis je crois que ça varie même d'un journal à une autre. Même encore, je crois qu'il y a des journaux étudiants le Montréal Campus qui font beaucoup de trucs internationaux. Le Quartier Libre qui est très vaste dans sa couverture. Je crois que ça dépend du travail que l'équipe de rédaction veut faire. Puis je crois que même dans la couverture d'événements internationaux, même si on couvre les mêmes choses que la presse ou le Devoir, il y a toujours façon de faire du journalisme différemment, d'amener une perspective plus... peut-être d'oser plus, d'être peut-être un peu plus ambitieux, un peu différent dans notre façon de faire en tant que journal étudiant. Mais cela dit, je crois que les deux façons de faire sont valables, puis que ça dépend réellement des priorités et des objectifs qu'établit l'équipe de rédaction de l'année. Là. Est-ce que vous avez parlé de ligne éditoriale. Le changement de la ligne éditoriale a également inévitablement suivi cette transformation. Est-ce qu'elle est claire et définie pour vous, la ligne éditoriale de la Rotonde? J'aime pas... j'ai peur qu'on... Je sais pas, c'est sûr qu'il y a des enjeux sur lesquels on est particulièrement concerné, notamment, je pense, au truc de francophonie. En étant le seul média d'une langue francophone du campus, on est sensible à ce genre d'histoire-là. Je pense que le seul critère qu'on se donne dans la ligne éditoriale, c'est vraiment défendre l'espèce d'intégrité des étudiants puis défendre le je sais pas ce qu'on pense être bon pour la population étudiante. On prétend pas avoir toujours raison, on prétend pas détenir la vérité. Là. On n'a pas. C'est pas comment on se dit. Mais je sais pas, je pense que c'est juste de toujours avoir conscience de l'intérêt du lecteur puis de l'intérêt des étudiants parce que ce sont les mêmes. Gaétan, est-ce que vous partagez ça? Moi, je pense que la ligne éditoriale de la Rotonde, je crois que, encore une fois, c'est. En fait, je pense qu'on peut voir, si on regarde sur plusieurs années, il semble avoir une certaine tendance qui distingue, je pense, la Rotonde du Fulcrum, entre autres. Mais je crois que... Le Fulcrum étant le journal anglophone. Étudiant anglophone de l'université. Pendant anglophone. Mais je crois que, encore une fois, c'est ce qui fait un peu la singularité des médias étudiants, puis ce qui fait en sorte que j'étais là il y a 3 ans, mais que comme je suis un dinosaure là, pour les gens qui sont en Rotonde en ce moment, c'est que ça change très rapidement, puis c'est ce dynamisme-là aussi qui fait l'intérêt des journaux étudiants. Je crois que cette année, l'équipe est presque entièrement renouvelée, là, si je ne me trompe pas. C'est une nouvelle équipe presque, oui. Donc, avec cette nouvelle équipe viennent nécessairement des nouvelles priorités, mm-hmm. des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de voir les choses. Puis je pense que l'initiateur doit refléter ce que l'équipe choisit, pense, décide. Non, exactement. Lors de la dernière campagne électorale à la Fédération étudiante, je me souviens d'avoir constaté avec désolation le faible engagement des francophones dans la vie étudiante et communautaire sur le campus. Et quand j'étais moi-même personnellement employé à la Rotonde, il y avait toujours ce défi-là de créer un véritable sentiment de communauté qui, à mon avis, n'a jamais encore été réellement atteint. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Est-ce que vous croyez qu'on a affaire à l'Université d'Ottawa à une communauté universitaire francophone qui est beaucoup plus fragmentée du point de vue identitaire, surtout là qu'on le pense, et qui rend encore plus difficile tout ralliement autour de quelconque projet collectif pour la francophonie à l'université? Je pense que c'est le cas pour les francophones, mais je constate que c'est le cas pour la majorité et le campus au complet. Le sentiment d'appartenance puis l'identité, même chez les anglophones envers l'Université d'Ottawa, j'ai jamais eu l'impression que c'était particulièrement développé, encore moins chez les francophones. Je pense que c'est symptomatique d'université de un. Puis oui, je pense que la communauté francophone, je ne vais pas dire divisée, il n'y a pas de tension, mais elle n'est pas unie, elle n'est pas soudée. On ne sent pas qu'il y a de fil conducteur chez les différents acteurs de la communauté francophone. On dirait que c'est un peu. Les gens font un peu chacun de leur côté, leur truc. Il y a des efforts qui se font, même du côté de la FUO, pour essayer de rassembler les francophones. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais effectivement, la communauté francophone est un peu fragmentée. La difficulté à laquelle on est confronté quand on essaie de répondre à cette question-là, c'est qu'il n'y a pas réellement de mesure de la force du sentiment de communauté. Comment est-ce qu'on évalue ça? C'est-à-dire que quand on va à une soirée d'improvisation de la lieu, quelqu'un qui irait juste à cette soirée-là aurait l'impression que le sentiment de communauté à l'Université d'Ottawa est très fort. Mais ça se mesure peut-être au nombre d'institutions que les francophones ont sur le campus, qui est pas énorme en soi. Et il y en a quelques-unes, vous avez mentionné la LIEU, la Rotonde, CHUO, oui, qui a quand même un contenu bilingue. Peut-être que les institutions, justement, la santé de nos institutions francophones sont la mesure de la vitalité de cette communauté. Ben, ça va dans les deux sens. Je veux dire, les institutions sont pas nécessairement très présente, très forte, parce que la communauté ne l'est pas, et vice-versa. Je pense que c'est un peu un cercle vicieux. Ça prend des institutions attrayantes, puis dynamiques et vivantes sur le campus pour attirer des gens. Mais ça prend aussi des gens pour dynamiser, puis faire fonctionner ces organismes-là. Puis je pense que la Rotonde peut jouer un rôle important dans ce maintien de ce sentiment de communauté-là. Gaétan Philippe Beaulière, Mathieu Goyer, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On peut lire La Rotonde tous les lundis, soit sur le site web ou encore dans les kiosques un peu partout sur le campus. Merci les gars d'avoir été là. Plaisir.